Yeah. New vibe on the way. I like that. Somebody say good. Yeah. 3h du match, je fais du bise. Non, je suis pas à l'hôtel. Aïe, qu'elle me prend la tête parce qu'elle pense, je suis avec une femelle. Moi, je fais l'oseille, je rencontre tout jusqu'à en perdre sommeil. J'ai qu'elle s'inquiète, rien ne m'arrête. Moi, je vise le sommet. Fuck that, le temps c'est ma Rolex. Diamant sur le cou, sur les doigts, je brille avec ou sans, je te le promets. Précis, Messi, ballon d'or, c'est moi. Si ça remplit pas les poches, laisse nous, on veut pas savoir, baby. Avec moi, elle veut faire un baby. Mais la confiance, c'est gagner la belle vie aussi. Big man, je fais ça bien, on allume, on éteint. Good life, comme on teint, que les miens, nique les chiens. Yeah. You know the vibe, nigga. Comme le maire de la ville, la mouth ça, nigga. Elle me dit où tu vas, je te suis, je suis là pour toi, bébé. Je suis ton nom pour le pire et pour le meilleur. Tu connais, on fait les bonnes choses. J'ai la bonne dose, so much sauce. Je reviens de loin, mauvais Joe, sort du brouillard. Là, ça marche, prie pour nous, alléluia. Hallelujah.